Bonjour à toutes, bonjour à tous. Droit au travail, au logement, à l'éducation, à des salaires égaux, à une vie décente, à des logements, à des accès adaptés. Les luttes pour les personnes en situation de handicap ont une histoire qui évidemment continue. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Survivre ne suffit pas. Handicap, les luttes pour l'égalité. Et quelles luttes ! Elles apparaissent à travers les slogans et les campagnes de sensibilisation. Sobre, changeons notre regard sur le handicap. Ou alors, le handicap, tous concernés. Un peu plus piquant, le handicap n'est pas contagieux. L'ignorance, oui. Ou alors, si les handicapés arrêtaient de se plaindre, tout irait mieux. Quand un automobiliste s'est mal garé, il est possible de placer sur son pare-brise « Si tu prends ma place, prends mon handicap ». Il y a une autre campagne très belle, une affiche avec le portrait d'une jeune fille et ses mots à côté. Sixtine a les plus belles lunettes du monde. Un cartable à fleurs, un hamster et trois chromosomes 21. La différence est une chance. Elisabeth Auerbacher, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous réfléchissons à cette idée de lutte pour les personnes en situation de handicap. Vous êtes avocat, vous êtes militante. Que vous évoque la profondeur du temps dès qu'il est question de lutte ? Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut voir que j'ai un certain âge. Et que postérieurement à 68, parce que 68 en lui-même n'a pas fait émerger les luttes spécifiques, c'est-à-dire même les femmes étaient cantonnées dans le subalterne. C'est vrai que ce soit le torchon brûle ou les pétroleuses, c'est arrivé plutôt dans les années 70-72. Et par rapport à ces mouvements qui existaient, le handicap, lui, il n'était pas du tout, mais pas du tout pris en compte. Et on s'est retrouvé en 1973 à plusieurs à se dire mais s'il y a la lutte pour la lutte des femmes, la lutte et toutes les luttes, la lutte sur la folie, la lutte sur la prison, il y a un moment donné où le handicap aussi, dans un caractère parfaitement politique, doit être une lutte pour arriver à ce qu'on soit des citoyens comme tous les autres. C'est-à-dire c'est même pas différent. C'est qu'on doit être absolument contre cette norme, qu'on existe, qu'on a cette existence et qu'on doit avoir les moyens d'exercer cette citoyenneté et cette vie en société. C'est pour ça, ce qui est devenu la compensation, c'est pour ça qu'on avait dit à chacun selon ses besoins, et il y a, le handicap nécessite un surcoût. Ce que les textes, petit à petit, ont pris en compte dans la notion de compensation. Il faut voir qu'en 73, on sortait parfaitement du Moyen-Âge. Pour le handicap, c'était le Moyen-Âge. On était cantonné dans des institutions qui étaient souvent les plus religieuses, et d'ailleurs, la loi de 75 qui est arrivée a été pour organiser ces institutions gestionnaires de parents qui arrivaient, qui étaient un peu plus modernes, notamment dans l'éducation nationale avec une association qui s'appelle la PAGE, qui n'était hors religion. Mais la loi de 75, qui ne visait pas d'ailleurs la scolarisation, mais seulement l'éducation, et qui a géré, si vous voulez, organisé tout ce qui était institutionnel. Mais cette lutte, ça c'est le point de départ. Et petit à petit, les personnes handicapées, ça m'énerve un peu, situation de handicap, parce que pourquoi faire pourquoi ne pas parler plus directement? Les personnes handicapées se sont battues, ont commencé à prendre conscience qu'ils n'étaient pas en dehors de la société, qu'ils étaient dans la société avec leurs spécificités, mais qu'on est des personnes comme tout le monde. Il n'y a pas très longtemps, j'entendais Michel Perrault, que j'admire par ailleurs, dire à un moment donné des femmes différentes. Nous ne sommes pas des femmes différentes, nous sommes des femmes, certes avec un handicap, qui sont dans le même combat que les femmes. Voilà, voilà à peu près, et depuis 73, ça fait très longtemps maintenant, on s'aperçoit que petit à petit, les idées que nous avions et qui mettaient en cause justement cette non-considération comme si on n'était pas des personnes, on était entre l'animal et la personne, eh bien, commence à prendre vie. On a eu la compensation. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Logements. Oui, ça, non, c'est sûr qu'Elisabeth Oerbacher, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et justement, pour essayer aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, d'évoquer l'histoire de ces luttes. Ces luttes, et nous sentons bien qu'elles continuent plus que jamais. Avec nous également, Cécile Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en histoire contemporaine à l'Université Lyon 2. Et vous êtes d'ailleurs chercheuse associée à l'INA, à l'Institut National de l'Audiovisuel. C'est quoi votre sujet de thèse? Je travaille en fait sur la mémoire radiophonique des derniers travailleurs manuels, derniers ouvriers, derniers paysans dans les documentaires de France Culture, quand les documentaristes ont essayé de sauver cette mémoire de mondes sociaux qui était en train de s'effondrer, d'être en rupture de transmission. Voilà. Donc, c'est un très beau sujet. Et voilà, et France Culture, très beau sujet aussi. Mais Cécile Morin, dans cette réflexion sur l'histoire des luttes, bah d'ailleurs, vous avez un regard intéressant là-dessus, parce que en travaillant sur les archives, vous pouvez voir l'évolution du regard porté sur toutes ces personnes en situation de handicap ou handicapées, comme dirait Elisabeth Oerbacher. Oui, alors voilà. Je précise aussi en fait que je suis là bon, parce que j'ai un peu travaillé sur ce sujet en tant que chercheuse en histoire, mais surtout je suis militante en fait. Hein, je suis porte-parole du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, et bien sûr concernée par le handicap. Dans ce qu'a dit Elisabeth Oerbacher, ce qui me semble vraiment fondamental, et là où on voit la rupture en fait hein, de ces mouvements des années 68, c'est que finalement elle et les autres militants ont constitué le handicap comme une question politique. C'est-à-dire que là, le handicap qui était perçu comme une déficience ontologique, vous voyez, qui faisait des personnes handicapées des sortes d'êtres humains amoindris, hein, devant compenser un manque en se conformant à la norme, bah, par exemple à la rééducation médicale dont vous avez parlé cette semaine, vous voyez, ou par le fait de faire oraliser à marche forcée les sourds, etc. Eh bien, tout cela, en fait, il montre que la condition handicapée, en fait, c'est une condition de domination et de dépendance qui sont socialement construites. Ce qui fait que, finalement, l'unité des personnes handicapées, c'est pas le partage d'une prétendue condition biologique, c'est le partage d'une condition dominée. Et du coup, ça porte un très fort potentiel émancipateur, parce que désormais, l'horizon d'attente, c'est plus de guérir, vous voyez, comme le veut le modèle médical, hein, en se conformant à cette norme, mais c'est de changer l'ordre social par la lutte politique, vous voyez, en s'affranchissant de la tutelle paternaliste des associations gestionnaires, vous voyez, qui faisait que, comme l'a dit Elisabeth, le destin de ces gens, c'était d'être placés toute leur vie en institution, vous voyez, en s'affranchissant du modèle charitable et du modèle médical, et en luttant aussi, en fait, ils avaient deux ennemis, finalement, si je peux dire, enfin, ils contestaient à la fois, les politiques menées par le gouvernement, dans la préparation de cette loi de 75, qui, contrairement à ce qu'a dit Sophie Cluzel sur votre antenne lundi, a été une loi qui a fait l'objet de luttes des personnes handicapées, parce qu'elle confortait et elle structurait le secteur, les institutions. Vous voyez, elle continuait en fait à opérer ce placement des personnes handicapées dans les institutions, ce qui est en fait ce que dénonçaient ces militants comme une forme de ségrégation. Vous voyez, hein, ils dénonçaient les ghettos d'handicapés, les usines prisons à propos des CAT, des centres d'aide par le travail, où ces personnes travaillaient sans avoir les droits. Donc ils sont élevés contre l'action du gouvernement, mais aussi contre, si vous voulez, la tutelle des associations gestionnaires, puisque comme vous l'avez dit lundi, comme vos invités l'ont dit lundi, si vous voulez, l'État avait délégué la prise en charge du handicap à ces associations gestionnaires, vous voyez, qui étaient en fait, qui plaçaient les personnes handicapées dans une situation à la fois d'exploitation, hein, dans les CAT, où on faisait des boulots d'ouvriers spécialisés sans le SMIC, sans les droits du travail, et c'est toujours le cas dans les ESAT, hein, assujettissait ces personnes à un ordre institutionnel qui contrôlait en fait la vie entière des individus. Donc voilà, et d'où l'alliance par exemple avec les mouvements du groupe Information Prison, vous voyez, des prisonniers, vous voyez, l'alliance avec les fractions les plus dominées du mouvement ouvrier, hein, les ouvriers immigrés, par exemple, hein, vous voyez, qui eux aussi étaient vraiment exploités et n'avaient pas la plénitude de leurs droits. Et donc voilà, donc du coup, ça montre que, enfin, l'idée que le handicap, c'est une histoire de lutte et qu'aujourd'hui, le champ du handicap, contrairement à une vision irénique et dépolitisée qu'on donne souvent, bah, c'est un champ de lutte. C'est vraiment un héritage hein, de ce qu'a fait Elisabeth Auerbacher et puis c'est les autres militants. Et puis justement, c'est bien, Cécile Morin, ce que vous nous dites là, de replacer dans un contexte un peu plus global cette lutte, cette histoire des luttes, qui n'est pas simplement des luttes de personnes en situation de handicap, mais vous l'avez évoqué, il y a le patriarcat, il y a des mouvements politiques beaucoup plus profonds. Et aujourd'hui, avec nous, pour nous parler de cette question, dans le cours de l'histoire, Noa Anger, qui est chercheuse en sciences politiques, qui travaille hein, justement sur le corps comme instrument de contestation politique, et d'ailleurs qui a un blog à mon corps défendant. Bonjour Noa Anger. Bonjour. Alors avant toute chose, il faut expliquer aux auditeurs, aux auditrices, hein, comment nous procédons ce matin pour échanger. J'utilise un logiciel de synthèse vocale qui retranscrit oralement ce que j'écris. Cela paraîtra peut-être étrange à certains auditeurs et certaines auditrices d'entendre une voix non humaine à la radio. Je suis consciente que ça diffère quelque peu des habitudes d'écoute. Mais ça me semble important de faire advenir, dans l'espace public, d'autres modes d'expression, d'autres façons de parler, d'autres voix. Vous savez, la pensée queer théorise beaucoup le concept de prothèse. La prothèse est là, non pour pallier un manque supposé, mais pour ouvrir à d'autres pratiques corporelles et permettre aux individus d'explorer encore plus les potentialités de leur corps. Or, pour moi, le fait d'utiliser ma voix de synthèse, ça s'inscrit dans cette perspective. Cette technologie me permet de réinventer les perceptions sociales de mon corps, et donc, mon corps lui-même. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que l'usage de ma voix de synthèse, à la radio, est un frein pour beaucoup de vos confrères et consoeurs. Vous êtes une des seules émissions à avoir bien voulu tenter l'expérience. C'est suffisamment rare pour être signalé. Bien, écoutez, merci beaucoup Noa Anger. Alors, il faut préciser hein, pour ceux et celles qui nous écoutent que c'est vrai que cet échange demande une petite préparation, mais qui est infime à côté du plaisir de vous avoir. Et je voulais vous demander, en tant que militante, quel est votre rapport à l'histoire de ces luttes ? Votre question me fait penser aux deux premiers vers de l'hymne du MLF. Nous qui sommes sans passé, les femmes. Nous qui n'avons pas d'histoire. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de travaux historiques qui remédient à l'effacement des femmes dans l'histoire. D'autres font l'histoire des personnes et des luttes queer. D'autres encore réfléchissent à la violence archivale qui invisibilise certaines populations au profit d'autres. Et l'histoire des luttes antivalidistes me semble procéder de ce même mouvement. L'enjeu est non seulement historiographique, mais aussi politique. Il y a l'idée de forger une mémoire commune des luttes pour se souvenir des droits qu'elles nous ont permis d'acquérir. Il y a aussi l'idée d'élaborer des figures et des modèles autour desquels se fédérer. D'ailleurs, l'hymne du MLF se poursuit en liant l'idée d'effacement des femmes dans l'histoire et celle d'isolement. Ils nous ont divisé, les femmes, et de nos sœurs séparées. Ça pose aussi cette question, chère à Marx, du groupe en soi et du groupe pour soi. Qu'est-ce qui, par-delà la pluralité des handicaps et des expériences, permet de faire émerger la conscience de groupe ? Pour moi, ce qui peut aider à faire groupe, c'est l'expérience d'une même oppression, en l'occurrence, le validisme et l'élaboration de figures historiques auxquelles se rapporter. Cécile Morin, justement, il y a ce mot qui est utilisé de validisme. Oui. On peut le définir, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est l'oppression spécifique qui est faite aux personnes handicapées qui consiste en fait à les juger par rapport à une norme qui est une norme valide, si vous voulez, valido-centrée. Et donc, soit pour les inférioriser, vous voyez, pour en faire des êtres irrémédiablement malheureux, frappés par l'infortune, soit au contraire pour les essentialiser, mais d'une autre façon, en leur prêtant des vertus exceptionnelles, vous voyez, par exemple, le courage, vous voyez, la ténacité, et en faire des leçons de vie pour les valides, les deux versants étant en fait, aboutissant à effectivement essentialiser hein, et les plonger dans une sorte d'altérité indépassable. C'est un processus de naturalisation. C'est un terme qui a été élaboré en fait par les Disability Studies, donc issu de l'alliance entre justement les militants et les chercheurs dans les années 70 dans les pays anglo-saxons, et qui permet, en fait, c'est une catégorie d'analyse qui permet de démonter la naturalité supposée, en fait, hein, de la domination des personnes handicapées. Et justement, ce mot de validisme n'était sans doute pas employé en 1969 à la gare Saint-Charles de Marseille. Gare Saint-Charles, jeudi soir à l'heure d'arrivée du Mistral en provenance de Paris. Dans une de ces voitures, quelques membres, et non des moindres, du clan des Siciliens, Henri Verneuil, metteur en scène du film, Jean Gabin et Lino Ventura, deux de ces vedettes en avance de 24 heures sur Alain Delon, qui les rejoindra ce soir pour la présentation du gala au bénéfice du comité Perce-Neige, soutien de l'enfance inadaptée. Gare Saint-Charles, jeudi soir, il pleuvait sur la ville, la précision s'impose, avant que ne s'engage le dialogue entre le Marseillais Henri Verneuil et le Normand Jean Gabin, arbitré par Lino Ventura, un dialogue qui nous dispense pratiquement de toute interview. Mais je me tue à lui dire qu'il ne pleut pas. Pourquoi vous avez dit que c'est pas gentil que j'avais dit qu'il pleuvait? Mais il pleut. C'est très bien. Il pleut. Absolument. Moi, vous viendriez à l'Aigle. Vous me direz, il pleut. Je vous dirais, ben, bien sûr, il pleut tout le temps. C'est normal, c'est normand. Et alors? Hein? Lino Ventura, je voudrais annoncer que le gala avait lieu à bureau fermé. La présence de Jean Gabin, la présence de Lino Ventura, la présence de Henri Verneuil et d'Alain Delon y est pour beaucoup. Mais je crois que ça signifie également que les Marseillais sont généreusement complices de l'opération Perce-Neige. Bah, je les remercie. C'est très gentil de leur part. Bon, bah, les gars, on vous a fait tout le train, hein? Alors, allez! Allez, le train repart en 1969 dans Provence Actualité avec Lino Ventura, Perce-Neige. Dites-nous, Elisabeth Auerbacher, les années 60 sont des années, vous voyez, on entend Perce-Neige, sublime association de Lino Ventura. Mais en fait, quelle est la place laissée aux luttes? Y a-t-il des luttes? Nous sommes juste après mai 68. Quelles formes ont-elles prises? Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je voudrais remercier Cécile Morin, parce que moi, je bois du petit lait. Étant donné que je suis la dernière, une des dernières des Mohicans, c'est vraiment de voir que la jeune génération a complètement intégré cette notion de domination. C'est un rapport, en tant qu'handicapé, nous avons un rapport de dominant, de dominé à dominant. Et que le fait de rechercher la norme par tous les moyens nous impose de ne pas être ce que nous sommes. Et ça, c'est la première chose. Par rapport aux luttes, c'est que justement, quand vous voyez ces reportages, qu'est-ce qu'on entend? On entend des gens qui sont connus, Perce-Neige, c'est la générosité, c'est la gentillesse. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une notion, à l'époque, et ça l'est encore d'ailleurs pour beaucoup, dans une notion de charité. Je crois, Sophie Cluzel expliquait que c'était une culture très française. Je pense qu'il y a un rapport à la France, fille aînée de l'Église, qui est vraiment très important par rapport aux pays anglo-saxons qui n'ont pas ce côté très religieux de la conception de qu'est-ce qu'est une personne handicapée. Et les luttes, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, nous étions en plein... moi, j'ai fait sciences politiques à la faculté... J'avais fait des études, j'avais été à l'école avec les autres enfants, ce qui était très important. Il y a eu aussi, puisque c'est comme ça qu'on a pris conscience de qu'on pouvait se battre, il y avait aussi, moi j'étais en cité universitaire à Antony, il y avait des étudiants qui venaient du lycée de Garches, il y avait un lycée à Garches qui permettait de faire des études, et à un moment donné, on s'est dit, et notamment moi personnellement, c'était la lutte des femmes, elle était extraordinaire, mais en même temps, je n'y avais pas ma place. En tant qu'handicapée, femme handicapée, on n'avait pas notre place. Et ce mouvement de reposer, je me souviens d'un article du Monde où il disait des handicapés font de la politique. Oui, parce que nous aussi, on est capable de faire de la politique et d'analyser pourquoi. Parce que on a un physique ou une méthode de parole différente, on va nous enfermer dans quelque chose qui est la domination par la norme des autres. Alors, je ne suis pas forcément anti-validisme, parce que comme dirait Sacha Guitry, je suis contre tout contre, mais c'est vraiment de dire, nous existons, nous sommes des humains, et à ce titre, on ne doit pas être uniquement dans la médicalisation. Regardez le Téléthon. Je ne sais pas ce qu'en pense Cécile Morin, mais la notion du Téléthon, le Téléthon, c'est quelque chose où on fait croire à une personne handicapée qu'elle va sortir du handicap. Non, qu'on fasse de la recherche, bien évidemment, ça c'est tout à fait normal, on le voit en ce moment, dans cette période de Covid. Mais il y a un moment donné où on est ce que nous sommes. Et là-dessus, j'avais toujours, pendant très longtemps, dans des interviews, dans des conférences, vous savez, comme le mouvement Black qui disait « Black is beautiful ». Eh bien oui, le handicap is beautiful, pourquoi ? Parce qu'on a le droit d'avoir, de ne pas être normalisé, mais en même temps, on a les mêmes, non seulement les mêmes droits, mais les mêmes méthodes de pensée, la même méthode de vivre en tant que citoyen à part entière. Et justement, Cécile Morin, en réaction à ce que vient de dire Elisabeth Horbacher. Oui, alors justement, je trouve que votre archive, elle est intéressante parce que finalement, exactement, enfin, comme le disait Elisabeth, on n'est pas sorti du modèle charitable que contestaient les militants du CLH, du Comité de lutte des handicapés, avec leur journal Handicapés méchants. Et l'exemple du Téléthon en est très, très intéressant. C'est-à-dire que là, vraiment, on a un combo entre l'héritage du modèle charitable et du modèle médical. Je soulignerai simplement que la recherche, pour nous, ça doit être de la recherche publique et pas laissée à la charité privée, qui subventionne en fait que les maladies qui vont être spectacularisées, si vous voulez. Et en fait, il faut bien comprendre que nous sommes un certain nombre de collectifs à nous élever contre le Téléthon, oui, qui est quand même promu aussi par les chaînes du service public, hein, entre parenthèses. Et il faut bien voir aussi que en fait, le Téléthon, ça a commencé aux États-Unis, c'est Jerry Lewis qui l'a fondé, et que les enfants du Téléthon, dans les années 90, l'ont fait supprimer. Parce qu'ils ont manifesté contre, hein, au cri de « Peace on pity », hein, je pisse sur la pitié. Et voilà, parce que ça, si vous voulez, les effets sociaux du Téléthon, étant donné que c'est 24 heures en fait, hein, de télévision et que les handicapés sont assez peu médiatisés, sont absolument catastrophiques pour nous, parce que ils soulignent et ils renforcent ces idées validistes, voyez, hein, et ils dépolitisent complètement la question. La question, c'est pas de savoir si une personne qui ne peut pas marcher va marcher. C'est pas ça. Notre espoir, voyez, c'est de pouvoir accéder à tout ce auquel nous avons droit. Hein, voyez, c'est une question politique, c'est pas une question de handicap, c'est pas une question d'ordre biologique en fait. Voyez, c'est une question politique. Et là, on est encore, hein, à bien des égards dans la continuation du modèle charitable qui était fustigé par ces militants des années 68. Et puis, bah, justement, quand ces militants militaient, ça s'entendait. Il y a des handicapés physiques dans leur voiture, qui sont sur la piste avec des accompagnateurs, bien sûr, et qui brandissent des pancartes, non à la ségrégation, assez à la charité. Je ne sais pas quel est le mobile de leur manifestation, quelles sont leurs revendications, mais enfin, ils utilisent évidemment Auteuil et... Enfin, ils n'ont pas envahi la piste. Et si, ils sont sur la piste même, la piste doit se disputer le tiercé. Et actuellement, il y a quelques représentants des forces de l'ordre qui sont venus à leur côté, tout se passe dans le calme, à leur côté pour tenter sans doute de les faire quitter cette piste afin que la course puisse se dérouler. Je dois dire d'ailleurs que c'est assez pénible de voir tous ces jeunes gens et jeunes filles dans leur voiture, tous ces infirmes là. Ah bah c'est assez pénible, bien sûr. C'est une archive dans le film Bon pied, bon œil et toute sa tête, un film de Jean-Paul Fargier et Gérard Leblanc, un film de 1978, donc qui évoque ces manifestations de personnes handicapées. Elisabeth Auerbacher, mais dites-nous, qu'est-ce que cette forme de manifestation qui nous intéresse aujourd'hui avec ces handicapés méchants ? Alors, quelle forme ? Il fallait qu'on soit dans la rue, puisque justement les personnes handicapées étaient cachées. Notre but et cette manifestation-là, il y en a eu d'autres. On a bloqué des rues, on a fait la grande manifestation en 74, on a remonté les Champs-Élysées, on a pris les Champs-Élysées, j'allais dire d'assaut, mais on a remonté les Champs-Élysées. C'était justement de nous positionner dans la rue pour qu'on nous voit. Quand vous entendez le commentaire, ces pauvres gens. Qu'est-ce qu'il en sait de ce qu'on était ? Il n'en sait rien, comme ça a été à Auteuil d'avoir empêché le tiercé. Mais qu'est-ce qu'il en sait ? C'était ces pauvres gens. Et il y a, comment dirais-je, il n'y a aucune notion de la personne, de la personne humaine. C'est toujours l'expression de ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire, on est les pauvres, on gêne, on propose... quelque part, c'est la peur. C'est une notion d'engendrer la peur, c'est très 19e siècle, d'engendrer la peur de la maladie. Et voilà, exactement, c'est pourquoi on a toujours été... la lutte, elle était à la fois dans l'écrit, dans le journal Handicapé Méchant, c'est un slogan, hein, puisqu'on nous faisait faire la quête, c'est les bons petits handicapés, nous avons appelé ça Handicapé Méchant. Et c'était d'être dans la rue, de montrer qu'on existait, qu'on était dans la capacité de faire exactement ce que les uns et les autres faisaient, et que le fauteuil roulant, eh ben, c'est un moyen de, c'est comme les trottinettes à l'heure actuelle, c'est un moyen de se mouvoir sans qu'il y ait cette notion très charitable, très, l'exclusion. On était parfaitement exclus. Et donc, notre but dans les luttes, d'une part, d'analyser le pourquoi et le comment d'un point de vue politique, et deuxièmement, de nous montrer dans la rue pour arriver, et notamment par les médias, pour être relayé par les médias, pour montrer qu'on existe. Eh bien, justement, on va demander à Nohanger son approche à elle de la convergence des luttes entre le féminisme, l'antivalidisme, l'antiracisme, évidemment. Enfin, tout ce que cela peut apporter à l'action. La convergence des luttes permet de considérer les mécanismes communs aux diverses oppressions. Par exemple, le schéma de pensée de la pathologisation est, ou était, présent dans les imaginaires sexistes, classistes, racistes, homophobes, transphobes et validistes. Donc je dirais que, dans certaines conditions, une convergence des luttes peut être heuristiquement féconde dans la saisie des mécanismes d'oppression. Mais on ne doit pas non plus oublier les spécificités de chaque oppression. À mon sens, on doit coupler ce concept avec un autre, celui d'intersectionnalité forgé par Kimberly Crenshaw. Initialement, Crenshaw a élaboré ce concept pour penser la marginalisation des femmes afro-américaines dans le mouvement féministe états-unien à majorité blanc, les femmes afro-américaines étant à l'intersection des oppressions du sexisme et du racisme. Ce concept est opérant, bien sûr, dans le cas des femmes handicapées. Elles se voient marginalisées dans les mouvements féministes, notamment dans la prise en charge des violences sexuelles et, ou, conjugales, qu'elles peuvent subir. C'est une réalité qui est malheureusement bien trop souvent invisibilisée. Oui, merci Nohanger. C'est vrai que ce mot apparaît souvent, hein, invisibilisé. C'est au cœur de ces luttes, Cécile Morin, de montrer les gens visibles au sens où ils sont partie prenante, intégrante de la société. Donc les rendre visibles. Et l'accélération des luttes dans les années 1970, c'est aussi cela. Oui, en fait, il y a un très fort enjeu de reprise du contrôle des représentations par les personnes handicapées elles-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on voit à l'œuvre, par exemple, dans le fait d'envahir ce champ de course, hein, et par contraste, dans le commentaire, hein, du journaliste qui peut pas imaginer que les forces de l'ordre sont venues les déloger. Ils disent les forces de l'ordre sont venues à leur côté. Parce que pour lui, militant handicapé, c'est un oxymore, quoi. C'est un non-sens, c'est une absurdité. Puisque finalement les personnes handicapées, elles sont assignées à être silencieuses, voyez, passives, des êtres passifs, des objets de soins, hein, de protection, hein, et d'exploitation dans ces institutions qui sont des lieux de ségrégation encore aujourd'hui, et elles sont pas du tout, si vous voulez, elles sont pas du tout prédisposées à exprimer une pensée, surtout une pensée contestataire. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes vraiment, nous, collectifs militants, nous sommes vraiment héritiers de cet enjeu de représentation par nous-mêmes, parce que l'une des spécificités aussi du validisme, c'est le fait que les personnes handicapées soient constamment infantilisées et soumises à une sorte de paternalisme qui fait qu'on parle à leur place. Et si, vous voyez, c'est vrai dans la représentation politique, dans la représentation médiatique. Vous voyez, on a par exemple une secrétaire d'État, bon, qui est une personne non concernée par le handicap, hein, qui dit dans les médias qui légitime sa fonction par le fait d'avoir une fille handicapée, mais sa fille est adulte. Vous voyez, ça reconduit cette espèce d'infantilisation. Et si vous voulez, dans l'espace médiatique et dans l'espace politique, il y a beaucoup de gens en fait qui parlent à notre place. Et l'idée en fait aussi, hein, de ces mouvements et dont nous sommes les héritiers, c'est de s'affranchir des porte-voix autorisées, hein, pour exprimer, pour se faire reconnaître comme des êtres de pensée, des êtres d'action, vous voyez, hein, et, Et voilà, et contourner en fait hein, ces processus d'infantilisation auxquels nous sommes sans cesse ramenés. Bon, après, nous savons que les ministres de l'agriculture ne sont pas tous agriculteurs et que tous les ministres de la défense ne sont pas tous militaires. C'est vrai, mais simplement le fait de dire. Ce qu'il y a, c'est que les associations gestionnaires, elles ont été aussi gérées beaucoup pendant des années par des parents hein, d'enfants handicapés. Bon, au début, ils pouvaient pas faire autrement, etc. Mais voilà, le fait que de vouloir nous représenter nous-mêmes et de porter notre propre parole et de porter aussi un discours contestataire en contournant hein, le porte-parole à autoriser, c'est vraiment aussi un enjeu reprendre la prise de parole. Quoi. Oui, qui est essentiel. Et d'ailleurs, Elisabeth Auerbacher, il y a ça, cette question de l'efficacité de la lutte. Vous avez mené les luttes et vous les menez encore. Vous avez vu l'effet de ces luttes. On vous a entendu. La première chose, c'est que quand vous êtes une mère d'handicapé, et je rejoins complètement Cécile Morin dans ce qu'elle vient de dire, quand vous êtes une mère d'handicapé, vous avez une culpabilité puisque vous n'avez pas fait un enfant dans la norme. Et vous n'aurez certainement pas la même parole, et je pense notamment à la secrétaire d'État, la même parole qu'une personne handicapée elle-même, parce que vous êtes que la mère, vous êtes dans la norme, et vous avez inconscient, même si c'est inconscient, inconsciemment, la culpabilité d'avoir fait un enfant qui ne soit pas dans la norme. Et deuxièmement, c'est vrai que mère d'handicapé, quand vous avez une fille qui est majeure, enfin qui est adulte, je vois pas très bien, je suis tout à fait d'accord avec Cécile. Alors, les luttes, évidemment que après les années 70, il y a eu une régression générale sur le phénomène de lutte. Mais les idées étaient passées, et c'est ce que je disais au démarrage, c'est quand vous voyez la notion de compensation, nous on a lancé le surcoût, c'est devenu la compensation. C'est vrai que si vous avez la MDPH, les difficultés administratives, vous voyez bien la normalisation, même si vous voyez comme dans la lutte des femmes, il y a toujours une régression possible, la normalisation des logements, la normalisation des transports, tous ces éléments sont très importants, c'est-à-dire que on sort du néant pour arriver à quelque chose qui n'est pas fini. Et comme le dit Cécile, il reste toujours cette notion de domination, d'infantilisation de la personne handicapée. Moi, j'ai un certain âge, j'ai milité, je peux vous dire que le handicap a toujours fait que je n'ai pas eu la carrière politique que j'aurais pu avoir, parce qu'à un moment donné, on élimine, je suis dans le camp du handicap. Et si je commence à parler d'autre chose, une analyse de texte de loi, quelque chose comme ça, c'est quoi? C'est d'abord le handicap. En tant qu'avocate, on me renvoyait toujours dans « Est-ce que vous vous occupez des handicapés ?» Ben non, moi, vous me donnez un braquage, ou vous me donnez une tuerie globale, oui, je défends. Mais justement, ne pas se revenir dans un ghetto même psychologique qui est « Vous êtes handicapé, vous ne vous occupez que du handicap ». C'est toujours une forme de marginalisation. Les luttes de marginalisation. Oui, marginalisation. Et puis moi, ce que j'entends aussi, hein, c'est que ces luttes sont là pour laisser aux personnes handicapées leur indépendance. Et l'histoire est là pour expliquer l'actualité. Et dans ces luttes, il y a toute cette question de l'allocation aux adultes handicapés qui est maintenant reliée aux revenus du conjoint. Il y a une pétition... C'est absolument scandaleux, c'est-à-dire que c'est pas. Vous voyez, c'est exactement comme les luttes des femmes. Vous avancez, c'est la marche en crabe. Vous avancez de deux pas et vous reculez d'un pas. Mais c'est, on revient là aux années même 70, c'est-à-dire qu'on ne conçoit pas que l'allocation adulte handicapé, tout ça pour faire des économies, l'allocation adulte handicapé soit par rapport à la personne. On va prendre en compte le conjoint. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, le conjoint? Il n'a rien à voir. C'est là, alors d'abord, premièrement, arriver à ce que les personnes handicapées travaillent et pas dans des institutions où les droits sont pas du tout respectés, style les ESAT, puisque c'est les anciens ateliers protégés, donc c'est les anciens centres d'aide par le travail, pardon. Les CAT. Les ESAT. Et donc, il y a à un moment donné, c'est que la personne handicapée puisse travailler là où elle veut et que, en même temps, la hache ne soit que réservée qu'à un certain nombre de personnes qui sont quand même assez minoritaires. Mais c'est scandaleux. Comme le fait, alors, c'est la plus mauvaise, c'est la bonne idée qui est une mauvaise idée. Le fait de dire, on va pas tout normer dans les immeubles, dans les nouveaux immeubles, on va mettre des cloisons aménageables. Mais quand vous avez des murs portants, vous n'allez pas pouvoir aménager. Et donc, c'est la fausse bonne idée, parce que ça ne marche pas. Et quand j'entends à votre émission Sophie Prizel qui dit, et malgré tout, parce que c'est une mère et qu'elle ne peut pas dire autre chose, qu'elle dit qu'on a le droit de prendre les ascenseurs et d'aller dans les toilettes, la vie d'une personne handicapée, c'est pas que ça. La vie d'une personne handicapée, c'est de vivre, d'habiter, d'aller d'un endroit à un autre dans son appartement. Et donc, ça, et c'est au niveau du coût, parce que moi, on m'avait interrogé, des députés m'avaient interrogé sur ce sujet, en me disant, parce que ça nous coûte trop cher au niveau des HLM, donc il faut des logements sociaux, il faut absolument qu'on empêche que tout soit normé. Mais ça, c'est une régression. Et c'est une régression par rapport, et c'est heureusement qu'il y a Cécile Morin et son collectif pour avancer, parce que pour faire entendre cette voix, on est des humains. Et collectif, lutte et handicap pour l'égalité et l'émancipation, Cécile Morin. Oui, justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la revendication de l'égalité des droits ne peut qu'être articulée à la revendication de la fin de la ségrégation dans les établissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, vous voyez, les personnes qui travaillent dans les ESAT sont privées des droits du travail. Vous voyez, le dénonçaient les handicapés méchants en parlant de ghetto d'handicapés et d'usine prison. Quelqu'un qui travaille en ESAT, en fait, n'est pas justiciable des droits du travail, ne touche pas le SMIC, n'a pas le droit de faire grève, n'a pas le droit de créer une section syndicale, d'attaquer son employeur au prud'homme. Et ça, vous voyez, ce qui passerait, ce qui est de l'ordre de l'exploitation, passe en plus pour de l'action sociale. Et ce que je veux dire, c'est que dans les pays, en fait, où on a mis fin à la ségrégation, et je vous rappelle que c'est le droit international qui le dit, c'est-à-dire que l'ONU somme la France de fermer tous les établissements pour mettre en conformité son droit avec la Convention internationale des droits des personnes handicapées qu'elle a ratifiée. Maintenant, ces pays, l'accessibilité, évidemment, a fait un grand pas, puisque les gens sont sortis des institutions, ne vivent plus dans une situation de ségrégation, donc il a bien fallu adapter les transports, adapter les logements. Et en fait, dans tous ces... Enfin, la politique qui est menée par le gouvernement, avec la loi Elan, avec le refus de désolidariser l'AAH, des revenus du conjoint qui placent, là encore, surtout les femmes handicapées, maintenant cette situation d'éternel mineur, vous voyez, et de dépendance, cette politique, en fait, va évidemment à l'encontre de tout ce que nous revendiquons dans la lignée des mouvements des années 68. Et bien, justement, dans toutes ces années de lutte et de combat qui ont des effets évidents aujourd'hui, il y a cette question du travail pour les personnes handicapées. L'atelier protégé, et l'atelier protégé, on le refuse. L'atelier protégé, c'est fait pour réinsérer les handicapés dans une vie normale. Or, nous, ça fait 20 ans que nous menons une vie normale. D'ailleurs, nous ne savions pas que nous étions des handicapés. Il y a depuis 2 ans qu'on entend parler qu'il y a des différences. Sinon, dans notre entreprise, il n'y a pas de différence. Nous travaillons à des salaires normaux et nous avons les mêmes postes de travail que nos camarades valides et nous les assumons avec autant d'efficacité. Alors, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on veut nous remettre dans un ghetto. Ou alors, c'est tout ce qu'on dit, c'est du blablabla et c'est tout. Il suffit de trouver 5 millions. Et c'est bien peu puisque les indemnités de licenciement de ces travailleurs coûteraient 6 millions aux ACEDIC. Semble que leur combat exemplaire et l'exemple qu'ils constitueront dans les termes où l'a dit madame, c'est-à-dire de travailleurs qui ont refusé leur handicap et se sont insérés dans une vie sociale normale, ce que tout le monde dit être ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? On dirait qu'il y a des réticences à ce que ça se passe. Justement, cette question, là c'est une archive de 1979 sur Antenne 2. Oui, je vous vois Cécile Morin hausser les sourcils. Oui, c'est vraiment du validisme pur jus, mais oui. Oui, là c'était une vraie question encore aujourd'hui, la place des personnes handicapées dans le monde du travail. Avec cette question, on l'a évoqué, de ce que l'on appelait auparavant les CAT, donc pour accompagner les personnes, il y a une vraie problématique ici qui n'est toujours pas résolu. Nous sentons bien que cet écart majeur de situation est prégnant dans la vie quotidienne de ces personnes au travail, mais qui n'ont pas les mêmes droits, qui n'ont pas les mêmes salaires que les autres. Oui, si vous parlez de l'institution, en fait, le statut des travailleurs en ESAT et l'existence même de ces établissements est contraire au droit international. Donc voilà, c'est pas que des collectifs radicaux et dangereux comme les nôtres ou comme l'étaient les handicapés méchants, le CLH qui le disent. C'est l'ONU, hein, d'accord ? C'est l'ONU, c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister. Si vous voulez, les droits fondamentaux des gens, quoi, qu'ils soient handicapés ou valides, c'est par exemple de choisir de vivre avec qui vous avez envie de vivre. Vous voyez, c'est fondamental ça quand même, vous êtes adulte. Pourquoi est-ce qu'on vous imposerait de vivre dans une collectivité forcée, et cela toute votre vie ? Avec aussi toutes les violences inhérentes à cette vie en collectivité forcée, qui fait par exemple que quand, après une rupture amoureuse, il n'y a pas de séparation physique, par exemple. Non mais vous voyez, c'est quand même ça en fait. Hein. Et le fait de travailler dans des institutions où vous n'avez pas les droits du travail, où vous êtes usager de l'établissement, vous voyez, vous travaillez. En plus, les emplois qui y sont pratiqués sont des emplois extrêmement monotones et répétitifs, hein, vous voyez, équivalents à ceux d'OS, quoi. Et il n'y a pas les droits du travail, il n'y a pas le SMIC, non mais... Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Est-ce que et voilà, c'est vraiment tout à fait contraire aux droits les plus élémentaires. Et en fait, dans les années 70, il y a eu des grèves dans les CAT, justement, des grèves productives comme chez LIP, vous voyez, où on s'emparait de l'outil productif, où on occupait le lieu de travail. Et voilà. Et donc, on espère que il y aura quand même à l'avenir, hein, si la France ne se met toujours pas en conformité avec le droit international, hein, des mouvements, hein, des luttes. Voilà, notamment au niveau du travail, en fait. Hein. Parce que c'est vrai que cette question-là, où l'ONU intervient, est drôlement intéressante et pertinente. Ça nous remet en cause nous-mêmes et ça fait toujours réfléchir sur nos questions. Ici, nous sommes dans un média. La question de la représentativité des personnes est intéressante. Noanger, je me tourne vers vous. Hein. Donc, je rappelle, hein, votre blog à mon geste défendant. Il y a vraiment toute une question dans votre travail sur la représentation et justement de nos jours à l'occasion du Téléthon, d'autres événements caritatif, quelle image des personnes handicapées les médias transmettent-elles ? Si on prend les médias au sens large, incluant les productions culturelles, comme les films par exemple, les personnages handicapés, ils sont presque toujours présentés comme des ressorts tragiques, ou du moins, des ressorts émotionnels de la narration. Leur handicap y est représenté comme une tragédie personnelle, jamais surmontée. Souvent, ils meurent à la fin du film. C'est un peu le même problème que pour les représentations des personnages homosexuels dans le cinéma hollywoodien avant les années 2010. Dans la sphère médiatique, le handicap est, certes, plus présent qu'avant, globalement. Mais rares sont les sujets qui, comme cette émission, considèrent les personnes handicapées comme des actrices et acteurs sociaux à part entière. Nous sommes toujours vus, soit comme des super-héros, soit comme des corps à soigner, ou à qui donner la charité. Mais quoi qu'il en soit, ça donne l'image de corps exceptionnel à l'extérieur de toute vie sociale. Et du coup, il y a des politisations de la question du handicap, ça le présente comme un problème individuel, et donc, ça efface la question du validisme. Autre signe que les personnes handicapées ne sont pas considérées comme des actrices et acteurs sociaux à part entière, les médias enferment habituellement les personnes handicapées dans le thème du handicap. Par exemple, moi, en tant que chercheuse, on m'invite presque toujours dans des émissions traitant du handicap, alors que je pourrais discuter d'autres questions de société, comme les questions vestimentaires, la question de la pornographie, etc. Mes travaux de recherche sont toujours réduits au thème du handicap. Au fond, c'est toujours un peu la même question. Que vaut-il mieux ? Être mal représenté, ou pas du tout représenté, ça se discute. Pour ma part, je pense qu'une mauvaise représentation, c'est-à-dire une représentation qui obéit à des schémas validistes, est comme un trompe-l'œil qui invisibilise les réalités du handicap. Après tout, je pense que personne ne vanterait les bienfaits féministes de l'iconographie publicitaire des femmes objets hypersexualisées. Oui, c'est pertinent. Merci beaucoup, Doanger. Justement, Cécile Morin, sur cette représentation. Oui, je pense qu'en fait, ce que dit Doanger est tout à fait pertinent. Et en fait, le problème, si vous voulez, c'est que pour sortir en fait de la vigueur en fait des impensés et des représentations validistes, si vous voulez, qui en fait ont une sorte de circularité qui font que finalement, ça finit par être à aliénant, parce qu'on finit par intérioriser, vous voyez, ces images dépréciées sans avoir de grille de lecture pour les penser si on n'a pas, ben, voilà, toutes ces outils d'analyse. Je pense que les sciences sociales et l'histoire en particulier ont un rôle cardinal à jouer, parce que il faut, vous voyez, l'histoire, elle a quand même le mérite de dénaturaliser, hein, ben, par exemple, la domination supposée intangible, supposée venir d'un ordre biologique des personnes handicapées, en montrant, ben, non, que c'est le produit de constructions sociales et historiques. Et c'est pour cela que, enfin, là, on peut aussi lancer un peu un appel. Alors, aujourd'hui, la recherche historique est en plein renouvellement, vous l'avez vu avec Gildas Bréguin. Jérôme Bas, sur cette question des mouvements militants, est en train de terminer sa thèse, a écrit des articles très intéressants. Mais nous, ce que l'on voudrait aussi, c'est que, eh bien, les personnes handicapées soient considérées comme des acteurs et des actrices, en fait, des changements historiques, vous voyez, et aussi des luttes, et des luttes du mouvement ouvrier, des luttes politiques, etc., par des chercheurs qui travaillent, ben, voilà, sur des questions plus générales, un peu comme les historiens des femmes et du genre ont revendiqué le fait que les femmes étaient des actrices à part entière des changements collectifs. Et du coup, ce qui serait bien, c'est que, eh bien, ces chercheurs s'intéressent, en fait, à la vie, à l'existence ordinaire, aux actions, hein, de ces acteurs et ces actrices qui ont été et qu'on rompe avec cette image exclusivement passive, vous voyez, hein, de personnes qui auraient été seulement des objets, des politiques publiques, de prise en charge, et pas, hein, des acteurs et des actrices de leur propre histoire et de leur propre lutte d'émancipation. Et c'est l'occasion d'ailleurs de réfléchir à la question des archives. On pourrait aussi imaginer qu'il y ait toute une réflexion sur les archives du monde du handicap. Oui, alors bon, alors ça, des gens comme Gildas Bréguin, que vous avez invité, ou comme Yann Contant, hein, sur les sourds, hein, font un travail très intéressant. Mais moi, je pense que l'enjeu aussi, c'est, eh bien, d'historiciser la catégorie de handicap, hein, dans l'enseignement secondaire. Et c'est-à-dire de faire apparaître ces acteurs et ces actrices, vous voyez, ben justement, hein, comme des acteurs et des actrices à part entière, puisque, heureusement, il y a quand même de plus en plus d'élèves handicapés dans les classes, et que finalement, l'image qu'on leur offre, bon, ils sont relativement invisibles, hein, dans le discours, dans l'enseignement de l'histoire, et en tout cas, quand ils le sont, c'est toujours sous la forme d'une identité collective malheureuse dont l'historicité n'est jamais interrogée, en fait. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Eh bien, c'est pour ça que nous espérons que le cours de l'histoire sur France Culture a apporté une pierre et toute une réflexion, et nous l'entendons dans les couloirs de France Culture quand nous discutons autour de ce thème du handicap et combien il intéresse, qu'il faut en parler. Et non pas sur des semaines spéciales uniquement, mais il faut simplement en parler comme une évidence de tout le temps. Je vous remercie beaucoup Cécile Morin, merci beaucoup Noé Hanger, et merci beaucoup Elisabeth Auerbacher de nous avoir aider à comprendre ces luttes anciennes, ces luttes qui durent toujours. Nous retrouvons Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire aujourd'hui, une histoire sur l'affaire Dreyfus et la dénonciation de l'antisémitisme. Canal+ diffuse la nouvelle série Police 1900 et nous propose non pas de revisiter les mécanismes de l'affaire Dreyfus, mais le climat politique et social de l'époque. L'intrigue se déroule à Paris pendant le procès de Rennes, un procès qui ne parvient pas à innocenter Dreyfus, mais qui jette un doute suffisant sur les preuves avancées par l'accusation pour le sortir de l'île du diable et qu'il soit gracié par le gouvernement quelques mois plus tard. Police 1900 ne se déroule pas dans un tribunal, mais dans les rues de Paris, ses salons, ses faubourgs et ses administrations. Le procès de Rennes fait la une des journaux, et bien sûr on en parle, on s'alpague, les coups de poing et les joutes verbales pleuvent entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. La probité de l'armée, qui est alors encore partie intégrante de la fierté nationale, est en jeu. Mais surtout, ce qu'explore la série, ce sont les ressorts de l'antisémitisme, de ces ligues d'extrême droite qui attisent la haine de Dreyfus, et de ses défenseurs avec les conférences de Jules Guérin, journaliste nationaliste antisémite, qui égorge un cochon chaque soir pour illustrer la violence que lui inspirent ses ennemis. Dreyfus va être rejugé. La moitié de la France va devenir folle à cette occasion. Où serez-vous, monsieur, quand votre pays aura besoin de vous ? C'est peut-être là la partie la plus intéressante de la série et la plus problématique. Ces deux frères Guérin et leur mère qui pilotent l'affaire à grand renfort de séances de spiritisme sur les conseils agaçants de leur idéologue Édouard Drumont, maître de la théorie du complot juif dans la France de la Belle Époque. Le talent de rabatteur, de maître du chantage et d'escroc des frères Guérin est largement exploité pour un final étonnant mais qui interroge. Dreyfus condamné, ils n'ont plus d'ennemis, ils ne sont plus à la pointe de l'apocalypse qu'ils promettaient. Dreyfus condamné, ils ont perdu leur ennemi le plus cher, l'appareil d'État dont ils appelaient pourtant à se défier à longueur de discours. L'État a condamné Dreyfus et leur a retiré leurs forces de subversion. L'antisémitisme réduit à une escroquerie financière et intellectuelle, cela pourrait être séduisant, mais c'est un pas de côté qui invite à ne pas prendre au sérieux la haine pourtant incrustée. Vous êtes doué pour une amatrice, c'est ce qui vous perdra. Attention, la dernière fois que j'ai fait l'amour à un homme, il en est mort. Et en plus, elle est coquine. Est-ce que cette bouche fatale est fiable ? Les femmes ont la part belle aussi dans Police 1900, notamment avec le personnage de Marguerite Steinheil, maîtresse en deuil de Félix Faure, le président de la Troisième République, mort au cours de leurs ébats. Surnommée « pompe funèbre » au cours des 6 épisodes par ceux qui l'utilisent dans leur stratégie politique. Cette ancienne maîtresse, qui a perdu son bienfaiteur, incarne celle qui se bat, ou plutôt se débat, sans droit, en passant d'une dépendance masculine à une autre pour assurer la liberté à laquelle elle n'accède jamais tout à fait. Police 1900 se regarde avec plaisir, mais veut peut-être en faire un peu trop. Les femmes traitées comme subalternes, la moralisation en cours de la police républicaine, les premiers pas de la police scientifique, la misère parisienne en contraste avec les ors d'un gouvernement loin de ses bases, l'intrigue en oublie de mettre en scène l'engagement des Français juifs de l'époque dans leur propre défense et contre le martyre de Dreyfus, dans leur combat juridique et intellectuel contre l'antisémitisme, mais aussi dans les rues et les manifestations qui tournaient souvent à l'émeute. Merci beaucoup Anaïs Quien. Le journal de l'histoire est sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. Dans le cours de l'histoire, toute la semaine, handicap, une histoire. Handicap, une histoire. Prendre en charge le handicap, une affaire d'État. Handicap et guerre mondiale. Soulager et appareiller les corps, que dit l'archéologie? Et bien sûr, survivre ne suffit pas. Handicap, les luttes pour l'égalité. 4 épisodes à écouter, à podcaster en ligne sur le cours de l'histoire, franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et puis, l'entretien complet avec Nohanger, eh bien, est à retrouver sur notre site, le cours de l'histoire, franceculture.fr. C'est une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Gudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwen Guizhou. Le cours de l'histoire réalisé par Marie Placet, avec aujourd'hui à la technique Laurie Vachon. Demain, nous nous intéressons aux prémices du primitivisme. Oui, une guerre moderne. Petit tour dans ce monde fascinant, celui du primitivisme.